39e chapitre, à la Bastille. Le soir de son arrestation, La Fontenelle arriva à Morlaix, où il passa la nuit. Le lendemain, Coitenisant, se conformant à ses instructions, fit partir son prisonnier sous bonne escorte. Quelques jours après, Guébert était incarcéré à la conciergerie de Rennes, où il ne resta que fort peu de temps. Par ordre de mon barreau, gouverneur de cette ville, il fut dirigé sur Paris, où, après un voyage de 15 jours, il arriva souffrant et brisé. Il était environ 9 heures du matin quand il fit son entrée dans la capitale. Il avait été placé sur un cheval, les mains liées derrière le dos, et marchait au milieu d'une double rangée de gardes. Les traits de son visage paraissaient altérés plutôt par la colère et par la rage que par la fatigue de la route, et l'on remarquait encore dans sa personne, à l'heure de l'adversité, toute sa fierté d'autrefois. Son œil d'aigle brillait du même éclat qu'au jour de son opulence et de sa prospérité. Il ne se baissait aucunement devant les regards des curieux qui s'échelonnaient sur son passage dans les rues qu'il traversait. Du reste, pour ces hommes avides d'un pareil genre de spectacle, il n'était qu'un prisonnier vulgaire tout à fait inconnu. Ces gens étaient bien loin de penser que l'homme qui s'était fait une aussi effrayante renommée fût en cet instant devant eux. Certes, si la populace parisienne, en tout temps si insatiable d'émotion, avait su que, ce jour-là, le gentilhomme brigand arriverait à Paris et serait conduit à la Bastille, elle n'eût pas manqué de se presser en foule sur sa route. Elle eût été heureuse de pouvoir contempler les traits de celui dont elle avait entendu raconter de si épouvantables histoires. Mais elle n'avait été instruite de rien. Pour elle, La Fontenelle n'était donc un captif ordinaire, seulement elle s'étonnait de trouver en lui tant de noblesse et de distinction. L'escorte arriva bientôt devant un édifice d'aspect sinistre. C'était le donjon de la Bastille Saint-Antoine, avec ses énormes tours et ses larges fossés. À peine si La Fontenelle eut le temps de jeter un coup d'œil sur ce château fort, que le pont-levis s'abaissait devant lui et que, chargé de chaînes, il était plongé au fond d'un cachot encore plus horrible que celui qui lui avait servi de prison au Châtelet. Son arrestation avait été si soudaine et si imprévue qu'il avait peine à croire à l'effrayante réalité de sa situation actuelle. Étendu sur quelques brins de paille humide et perdu dans les ténèbres, il était en proie aux pensées les plus amères. « Malheureux Guébert, se disait-il, quand les portes d'une prison s'ouvrent pour te rendre la liberté, bientôt une autre se referme sur toi. Hier c'était Rennes, aujourd'hui c'est Paris, demain sans doute ce sera l'échafaud. Maintenant plus d'horizon pour tes yeux, plus de doux soleil, plus de course à travers les belles campagnes de la Bretagne. Adieu, beaux ombrages de Coisdélan et de beaux manoirs, je ne vous reverrai plus jamais. » Quand La Fontenelle songeait que toutes les précautions qu'il avait prises pour résister à ses ennemis avaient été inutiles, et qu'un seul jour avait suffi pour l'arracher au paisible bonheur qu'il goûtait près de Marie, oh alors, ivre de fureur, il se tordait les mains de désespoir. Puis, lorsqu'il pensait que le jour fatal de son arrestation avait été ignoré de sa famille, et qu'il lui avait été défendu d'écrire à Marie et à son frère, il sentait sa tête se perdre, et dans sa douleur il s'écriait « Pauvre frère, pauvre Marie, vous êtes perdus tous les deux pour moi désormais, et je n'aurai pas la consolation de vous serrer une dernière fois sur mon cœur. Il faut donc que La Fontenelle sache quelles angoisses l'homme privé de la clarté du ciel éprouve quand il est seul, et qu'il est enseveli tout vivant dans l'ombre entre quatre murailles humides et glacées. » Il faut qu'il s'accoutume à la voix sinistre des geôliers de la Bastille et qu'il juge par lui-même s'ils sont aussi impitoyables que ceux de l'île Tristan. Ici les rôles sont changés. Le bourreau est devenu la victime. Jadis il a fait souffrir. Maintenant c'est à lui à connaître la torture. Les pressentiments de Guébert ne l'avaient pas trompé. L'acharnement de ses ennemis et leur soif de vengeance ne devaient finir qu'après sa mort. Peu à peu, s'habituant à l'obscurité qui régnait autour de lui, il s'aperçut que son cachot n'avait point de fenêtre et que l'air n'y était renouvelé par aucun soupirail. Et cependant, dans cet affreux séjour, malgré ses horribles angoisses, il respirait plus à l'aise qu'en plein air, parce qu'il se trouvait débarrassé des archers et des gardes qu'il avait accompagnés depuis son départ de Morlaix. Oh, comme il avait souffert pendant le long trajet de cette ville à Paris! Pour La Fontenelle, si habituée à commander aux autres, et à voir tous ceux avec lesquels il était en contact se courber devant lui ou trembler à son aspect, cette longue marche à travers les grands chemins, les villes et les bourgs avait été un cruel supplice. Combien de fois pendant ce voyage si pénible n'avait-il pas souhaité d'avoir les mains libres pour pouvoir, avec une épée, s'élancer comme un lion sur les soldats de Coitnisant et mourir les armes à la main au lieu d'aller finir sa vie sur l'échafaud ?